Alors bonjour et bienvenue à la radio à ON. Ici Maxime Tremblay, l'animateur de cette balado-diffusion qui vise à où est-ce que dans le fond je fais la rencontre de candidats d'Option nationale pour leur donner un petit peu d'aide aussi en même temps, pour donner un petit peu de visibilité. Et puis ce soir, j'ai l'occasion de rencontrer, grâce aux intertubes, Marianne Garnier, qui est candidate pour Portneuf. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. En premier lieu, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je suis persuadé que ça va très, très bien aller. Toi, dans le fond, tu es candidate pour Portneuf. Tu habites le comté? J'habite le comté depuis décembre 2011, donc ça fait pas très longtemps, ça fait moins d'un an. Mais j'aime vraiment où j'habite. J'habite à Neuville exactement. C'est vraiment un beau coin. C'est comme campagne, banlieue éloignée. Donc, on a quand même beaucoup de services, mais on retrouve le plaisir de la campagne. Ah, c'est bien quand même. Et puis, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi un peu ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, bien en fait, ça fait quand même plusieurs années que je suis aux études. Je suis en train de terminer un baccalauréat en administration des affaires. Donc, ça fait quand même un certain temps que j'ai pas été active sur le marché du travail. Autrefois, bien avant mon bac, j'ai aussi un certificat en sciences sociales et en communication. Puis avant ça, ben j'ai fait quelques travails, mais dans le domaine des communications, service à la clientèle. Mais c'est vraiment depuis que j'ai commencé mes études à l'université que je me suis intéressée à la politique, puis justement aux sciences sociales, ce qui englobe la société. Alors, ce qui fait que, de par tes études et aussi tes expériences passées, finalement, être une bonne communicatrice, c'est quelque chose qui est un peu plus naturel pour toi. Oui, bien en fait, j'ai fait de la radio pendant 2 ans. Oh! Je l'avais presque oublié. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'y pense plus souvent que j'ai fait ça, mais oui, j'ai fait de la radio pendant 2 ans. Donc oui, j'ai une expérience en communication, puis avec mon certificat en communication, bien c'est venu rajouter un peu des notions professionnelles à mon expérience. Ah, ben oui, mais c'est super bien. Et puis, en même temps, comme on parle de ça aussi, je vais t'amener un petit peu sur le sujet. Généralement, la plateforme d'Option nationale, on sait qu'elle est très jeune. Et puis, à toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de parler, c'est beaucoup un coup de cœur qui fait que les gens ont décidé de s'impliquer, de militer ou de se présenter carrément comme candidat chez Option nationale. Toi, Marianne, qu'est-ce qui a fait que tu as embarqué comme candidate? Ben moi, ça a vraiment été un coup de cœur aussi. Là, je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde, on dirait. Moi, en fait, j'ai eu pris connaissance de la plateforme, pas la plateforme, mais j'ai pris connaissance de l'existence du parti dans un article de Mathieu Bock-Côté, qui faisait pas un portrait positif d'Option nationale, parce que bon, lui, il est plus au Parti québécois. Mais quand j'ai lu les grandes lignes du parti, j'ai fait « Wow, c'est tellement ça que je veux. » Je suis contente de voir qu'enfin, il y a un parti au Québec qui offre ce que je considère important, puis que je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas encore de parti vraiment aussi souverainiste et pour la gratuité scolaire, la nationalisation des ressources naturelles. Donc, quand j'ai vu ça, tout de suite, je me suis intéressée. Puis, en parallèle, un peu dans la même période, j'ai pris, ben, pas contact, mais j'ai vu le nom de Catherine Dorion passer sur Facebook. Puis Catherine, c'était une amie d'enfance que j'avais à la maternelle. Puis Ah, que j'avais pas revue depuis ce temps-là. Ça faisait quoi, 20 ans, je l'avais pas vue. Puis là, j'ai vu son nom passer. Je fais, hein, Catherine Dorion. Donc, je suis allée voir sur son profil. Puis j'ai vu qu'elle était en option nationale. Donc là, ça l'a piqué ma curiosité encore plus. C'est ça. J'ai écouté une conférence de Jean-Martin Haussan à l'Université Laval, ben, par vidéo. J'étais pas présente. Puis là, quand j'ai écouté tous ses arguments, puis sa façon de présenter le parti, je pense que j'ai adhéré presque immédiatement. C'est un peu le même sentiment que j'ai de mon côté, je dois dire. Et puis, on sent très bien que du côté de Catherine Dorion et puis Jean-Martin Hossan sont des excellents communicateurs aussi qui savent transmettre non seulement leurs points, leurs opinions, mais aussi de manière très claire et de manière très passionnée aussi. Donc, je pense que ces deux personnes-là sont une clé aussi chez Option nationale et puis qui ont vraiment créé cet engouement-là pour beaucoup, beaucoup de personnes, dont toi, là. Oui, vraiment. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces deux personnes-là. Catherine, je trouve qu'elle est tellement, premièrement, elle est très gentille. Et puis, elle a de la verve. Ce qu'elle dit, elle l'assume totalement. Et puis, je trouve que ça va tout à fait avec les idées du parti. Parce que qu'est-ce que j'aime d'Option nationale, c'est vraiment que c'est des idéaux assumés. On n'a pas honte de dire qu'on est pour la gratuité scolaire, puis on n'a pas honte de dire qu'on veut nationaliser nos ressources. On est comme très clair sur les points qu'on présente. Il n'y a pas de si ou de peut-être, c'est vraiment c'est ce qu'on veut, puis on veut s'organiser pour que ça fonctionne ainsi. La clarté de la plateforme, comme tu le dis si bien, est vraiment quelque chose de très, très important, évidemment. Et puis, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup aussi. On va délaisser un petit peu les autres personnes. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de toi et aussi du comté que tu vas représenter. Si tu avais une caractéristique majeure à attribuer aux gens du comté de Portneuf, ça serait quoi? Caractéristiques majeures. Mais je sais pas, des fois les gens ont dit qu'ils sont chaleureux, qu'ils sont accueillants, des gens qui ont besoin, ou peut-être leurs préoccupations aussi. Ben oui, ben ils sont très chaleureux. Je pense que c'est assez typique des gens des milieux ruraux. C'est des gens qui sont naturels, qui sont pas trop, qui sont très terre à terre et puis qui invitent à la conversation de façon très naturelle. Ça, je trouve ça très appréciable. Ça fait partie de mon amour de la campagne, justement, les gens qui y sont. Puis c'est tout à fait présent chez les gens de Portneuf. Moi, quand j'ai fait mes signatures pour ma candidature, je les ai fait dans le coin de Saint-Raymond. Puis vraiment, j'ai trouvé les gens tellement ouverts et faciles d'approche. Je dis pas que c'est pas comme ça en ville, sauf que on retrouve ça beaucoup en campagne. Puis j'apprécie beaucoup. Puis par rapport à Portneuf, tu me disais une caractéristique. Bien, en fait, dans Portneuf, il y a des coins qui est un peu dévitalisé. Les gens ont de la difficulté à se trouver des emplois dans leur domaine. Et puis, c'est la même chose du côté des entreprises où ce qu'ils ont de la difficulté à se trouver de la main-d'œuvre, qualifiée ou non, ils doivent aller la chercher à l'extérieur du comté. Je trouve ça dommage un peu parce qu'il y a plein de gens ici qui veulent un travail, puis que c'est peut-être juste une question de formation qui manque pour faire vivre l'économie là au potentiel qu'elle a. Donc ça, je pense que c'est une bonne préoccupation des gens du comté, justement d'arriver à trouver un emploi dans les domaines qui sont forts ici dans Portneuf, qui est l'agriculture, l'agroalimentaire et la foresterie. C'est les deux piliers économiques de la région. Donc, tu parles beaucoup d'agroalimentaire, foresterie. Donc, évidemment, la plateforme d'Option nationale peut vraiment aider les gens de Portneuf à bien progresser là-dedans, notamment grâce à la nationalisation des ressources. Oui, exactement, la nationalisation des ressources. Et puis, il y a le fait que Option nationale veut rendre comme patrimoine national les terres agricoles et l'eau. Ça, je pense que c'est un point fort de la plateforme qui va beaucoup charmer les gens de Portneuf. Et puis, à Saint-Marc-des-Carrières, c'est vraiment, l'économie est vraiment basée sur les ressources naturelles. Donc, je pense que Option nationale a vraiment le potentiel de charmer les gens dans Portneuf parce que ça les touche beaucoup. Et puis jusqu'à maintenant, ta campagne dans ton comté, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Je me rends compte que, par contre, qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui connaissent Option nationale. Oui, il y a des gens qui me disent « Ah oui, Monsieur Ossant, qui était au Parti québécois, oui, je connais. » Mais la plateforme en tant que telle, il y a peu de gens, sauf que j'étais très, très heureuse de rencontrer une membre d'Option nationale sur le trottoir, comme ça, dans la rue à Saint-Raymond. Ça m'a vraiment… J'ai fait « Ah, que c'était vraiment agréable. » Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour promouvoir et pour… la visibilité du parti dans Portneuf. Oui, c'est un peu ce qu'on fait aussi en même temps ce soir. Oui. Merci d'ailleurs. Ah, ben écoute, c'est vraiment rien, c'est un petit projet personnel. C'est le petit peu que je peux faire pour aider le parti, donc en autant que ça aide pour. C'est une très bonne initiative. Ah, ben je te remercie beaucoup. En fait, je vais même faire plus que ça. Je vais te remercier beaucoup du temps que tu m'as accordé ce soir. C'est déjà tout. J'irai peut-être avec une dernière question, puis c'est une offre que je te fais. C'est si tu avais un mot à donner aux électeurs de Portneuf avant le 4 septembre, aux gens qui vont écouter cette balado, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? De prendre le temps de venir voir la plateforme, de regarder des vidéos de Jean-Martin qui s'exprime très clairement, qui répond très bien aux questions, qui est très franc. Je pense que c'est un projet très emballant. On agit vraiment pour la société, pour la communauté, puis peut-être de sortir un peu des vieilles habitudes de vote et puis de prendre le temps de s'intéresser aux nouveaux partis parce qu'on offre une option nationale et d'autres partis aussi qu'on entend moins parler. Ça vaut la peine d'investir du temps à découvrir ces partis-là, dont option nationale. Et aller voter aussi, ça c'est important. Oui, aller voter. Oui, bien sûr. J'ai toujours voté et je trouve ça très important et puis j'encourage toujours les gens à aller voter. Je te remercie beaucoup, Marianne, du temps que tu m'as accordé. Pour toutes les autres personnes qui désirent suivre l'émission, c'est facile. Donc, nous avons un site internet qui est radioaon.wordpress.com et nous sommes aussi sur iTunes. Donc, simplement faire une petite recherche. C'était Maxime Tremblay avec Marianne Garnier. Merci, Marianne. Merci à toi. Merci à tous et bonne fin de soirée.